Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Wayne Gretzky, le seul et l'unique. Wayne Gretzky, après 19 ans dans la Ligue nationale, il a dominé cette ligue-là. Il a égalé, il a établi des records qui ne seront jamais... Il a le livre des records en ses mains. C'est incroyable, surtout de ce qu'on vit maintenant dans le hockey. Jamais ces records-là ne seront égalés. Michel Bergeron, l'ex-entraîneur des Rangers de New York et des défunts nordiques de Québec, au micro de Stéphane Bureau à l'émission Le Point en avril 1999, au moment où Wayne Gretzky annonce qu'il prend sa retraite et accroche ses patins pour de bon. Aujourd'hui encore, Wayne Gretzky est considéré comme l'un des plus grands joueurs, sinon le plus grand joueur de hockey de tous les temps. Et aujourd'hui encore, Wayne Gretzky reste l'homme d'à peu près tous les records à abattre dans son sport. It's obvious that today that I officially have retired, and Sunday will be my last game. C'est clair, je me retire et dimanche sera mon dernier match. Voilà la déclaration de celui qui aura dominé le hockey durant deux décennies avec Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis et New York. Wayne Gretzky, le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue nationale, prend sa retraite à l'âge de 38 ans. Il aurait pu jouer encore quelques saisons. Sa fiche personnelle de 60 points fait encore de lui un des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale. Des 61 records qu'il détient, plusieurs semblent inatteignables, comme sa saison de 92 buts ou celle durant laquelle il avait amassé 215 points. La décision le hantait depuis février, mais en annonçant sa retraite, il aurait alors nui à ses coéquipiers impliqués dans la course pour une place dans les séries. Mais les Rangers éliminés, Wayne Gretzky pourra se retirer dimanche devant de nombreux admirateurs venus rendre un dernier hommage à celui que plusieurs considèrent comme le meilleur athlète, tous sports confondus. Extrait d'un reportage de Stéphane Langdeau diffusé au Radio-Journal du 16 avril 1999, au moment où Wayne Gretzky annonce officiellement sa retraite. Pour nous faire revivre les belles années de Wayne Gretzky, je reçois Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, auteur notamment de l'essai « Sport et loisirs, une histoire des origines à nos jours ». Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. La question, en fait, on a un élément de réponse déjà. En tout cas, on sait ce que Michel Bergeron peut penser de la question que je vais vous poser, mais... Où le classer, Wayne Gretzky, au palmarès des plus grands joueurs de tous les temps? Ben oui, c'est drôle comme question, dans la mesure où on s'était déjà posé cette question-là ensemble quand on avait fait l'épisode sur Mario Lemieux. Oui. On se disait, est-ce que Mario Lemieux est plus grand que Wayne Gretzky? Et on avait avancé l'idée selon laquelle, si Mario Lemieux ne s'était pas blessé, ben il aurait peut-être dépassé Wayne Gretzky. Mais comme on dit, avec des si on mettrait Paris en bouteille, oui. Donc il reste que le plus grand de tous, c'est Wayne Gretzky. Et vous demandez à tous les joueurs qui sont encore vivants, on s'entend tous pour dire que Wayne Gretzky est dans une classe à part. Il était plus grand que la Ligue nationale. Ouais. Après, il y a la différence de goût sur le style d'un joueur, mais statistiquement, en tout cas, Bergeron disait c'est imbattable. Il a encore une soixantaine de records à son actif. 61 records, juste pour vous donner des statistiques. 1487 matchs, 2857 points. Un des rares joueurs, voire le seul joueur à avoir passé le cap des 2000 points. 894 buts, 1963 aides. C'est une moyenne de 1,2 points par match. Incroyable. C'est hallucinant. Ouais. Et c'est l'homme qui débarque sur la glace, qui fait tourner toutes les têtes et qui a une vision du jeu qui est hallucinante. Regardez juste sur Facebook, pas juste sur Facebook, mais sur YouTube, tout ce qu'on peut avoir comme archive de Wayne Gretzky. Mm-hmm. Et encore aujourd'hui, on se dit, ce joueur-là était plus grand que nature. Ouais. Pour rester dans cette comparaison des plus grands, où situer, par exemple, un Wayne Gretzky par rapport à un Maurice Richard, je vous propose d'écouter un extrait, vous allez voir, c'est fascinant, du grand René Lecavalier qui avait écrit un billet à l'époque pour l'émission Hebdo Sport, diffusée le 10 novembre 1990. Chez Maurice Richard, le succès fut instantané. C'était une charge de dynamite qui secouait un sport endormi dans une sorte de torpeur inguérissable, qui vous communiquait des sensations comme on n'en avait jamais vécu auparavant, qui ne laissait aucune place aux stratégies savantes et compliquées. Il vous prenait par les tripes. C'était l'improvisation la plus pure, une vitesse d'exécution telle que l'adversaire en était paralysé. Celui qui vous faisait bondir en vous communiquant les sensations qui étaient, sans doute, le reflet de ce qu'il éprouvait lui-même. Aussi inimitable et indescriptible qu'il puisse avoir été, avec lui, c'était beaucoup plus une passion qu'un divertissement ou un spectacle. Gretzky, lui, c'est notre admiration qu'il soulève. Servi par une personnalité attachante, intelligent et très dégourdi et à l'aise avec le public, il a servi d'inspiration à toute une génération de hockeyeurs en herbe qui ont trouvé en lui le modèle à imiter. Grâce à lui, surtout, le hockey est devenu, aujourd'hui, un sport connu quasi universellement. Gretzky, c'est la beauté du geste facile, l'imagination, l'habileté, la fluidité du mouvement, c'est la rivière qui coule sans fin. Mais avec le racket, c'est la tempête sur la glace, la poussée furieuse vers le but adverse. Il faut que ça éclate quelque part et le public est là qui s'y attend. Et il ne sera pas déçu car ça va éclater. Et ce qui unit, au fond, ces deux personnalités totalement différentes, deux styles tellement opposés, y arriver sur la scène à 25 ans d'intervalle, c'est le simple goût du hockey. L'envie de le jouer comme au premier jour et de le rejouer match après match, année après année, sans jamais se lasser. Et surtout cet extraordinaire besoin d'exceller, jamais satisfait. Comment comparer? C'est un peu salaud ce que je vous fais. Ben oui, je peux rien dire après René Lecavalier. Tout si, a été dit. Si joliment dit, si éloquent, c'était le grand René Lecavalier, l'inimitable. Mais quand même, je vous la pose la question, renchérissez, mon cher, comment comparer, par exemple, ces deux hommes, Wayne Gretzky, ces deux joueurs-là et Maurice Richard? René Lecavalier l'a magnifiquement fait quand il déclare, il présente Maurice Richard comme étant un joueur d'une violence contenue. On sait à quel point Maurice Richard était une force de la nature. On le voit dans ces images d'Épinal qui a 4-5 joueurs sur le dos et qui poursuit, qui continue et qui va au but comme une espèce de bête de somme. Gretzky, lui, il est plus petit. On a l'impression qu'il est plus menu et qui va sur la glace comme si c'était facile, c'était naturel pour lui. Et il disait souvent, Wayne Gretzky, il dit « Je ne regarde pas où est la rondelle, je pense à où elle va. » C'était toujours un temps d'avance sur tout le monde. Et même les joueurs qui essayaient de dire « Ah, oh, il va sans doute faire ça », eh bien, c'est une capacité d'imagination systématique, une intelligence kinétique, c'est-à-dire le mouvement, une capacité de prendre tous ses muscles et de le faire tanguer vers là où il veut aller. L'esprit contrôle le corps. Et Gretzky, c'est une intelligence magnifique. Oui, c'est ça son style, au fond, cette intelligence-là. Puis vous disiez, Richard avait 3, 4, 5 joueurs sur lui, sur son dos, cette espèce de guerrier. Gretzky, en fait, en préparant l'émission, je disais que c'est une de ses forces, bon, c'est l'intelligence dont vous parliez, mais c'est aussi qu'on ne réussissait pas à lui mettre la main sur, au collet, en fait. Il déjouait ses c'est goons. Oui, exactement. Ben, les grands goons, en fait, qu'on a interviewés après à la retraite de Wayne Gretzky, on leur disait « Mais pourquoi vous le frappiez pas? » Ils disaient « Mais on essayait de le frapper, on essayait de le ramasser, mais à chaque fois qu'on y allait, il se tassait, puis au dernier moment, paf, on ramassait un autre joueur ou on se ramassait la bande. » Il dit « On voulait le frapper. » Et c'est là la différence de Maurice Richard. Maurice Richard, quand il voyait arriver un joueur, non seulement il montrait l'épaule, mais il y allait, il frondait, alors que Wayne Gretzky, c'était son jeu, cette capacité de voir tout le temps. Gretzky, il naît pratiquement avec des patins dans les pieds. Il commence à patiner, quoi, 2-3 ans. Très, très jeune. On voit qu'on a devant nous un surdoué du hockey, Laurent Turcot. Ah oui, il commence, en fait, il joue dans le salon de sa grand-mère, la Grandma Gretzky, comme il dit lui-même. Et il n'y a pas de patin encore. Il fait juste jouer sur un plancher de bois avec un petit bâton. Et c'est sa grand-mère qui est le gardien de but. Et peu à peu, son père se dit, peut-être je devrais lui mettre des patins. Donc, il l'amène dans la cour de la maison Gretzky. Et là, il se rend compte qu'il tient très bien à 2 ans et demi sur des patins. Il prend un bâton et il est capable de frapper le disque, mais très habilement. Donc, il se dit, mais j'ai peut-être quelque chose là devant moi. Et le père Gretzky, lui, qui a joué lui-même et qui connaît très bien le hockey, et pour qui c'est une religion en quelque sorte, parce que tous les soirs, toutes les fins de semaine, on regarde Hockey Night in Canada, parce que ça devient justement la scansion du temps naturel. Et pour le jeune Wayne, qui est le premier d'une famille, mais on se dit, il y a quelque chose à développer. Donc, il va falloir quand même attendre un peu de temps, parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, on ne peut entrer dans un club qu'à l'âge de 10 ans. Ouais. Et Wayne, qui a 5 ans, se dit, ben, papa, j'aimerais prêt, ça. Lui. Je suis prêt. Donc, il essaie dans un premier temps, à l'âge de 5 ans, ouais. sachant que les autres ont 10 ans. Il est refusé. L'année suivante, il revient et là, il commence. Mais imaginez-vous, là, il y a des gens qui ont 4 ans de plus que lui, alors que lui en a 6. Ouais. Les autres en ont 10. Et très vite, non seulement il fait le club, mais il commence à le dominer. Ouais. Et il va même avoir un record. Il va avoir 278 buts en 85 rencontres à sa dernière année junior novice. Et le Hockey News va même faire un article sur cette espèce de phénomène. Et on a des enregistrements sonores du jeune Wayne Gretzky qui déjà est lui-même. Vous prenez un Gretzky à la fin de sa carrière et le jeune Gretzky qui l'a pas encore commencé, c'est encore cette espèce de calme olympien ouais. et cette connaissance de « je sais que je suis bon, mais il me reste beaucoup à faire encore ouais. ». Ses débuts professionnels, ça se font en fait dans la défunte Association mondiale de hockey. Exactement, parce qu'il a 17 ans, il est passé par Sault-Sainte-Marie, il n'a fait qu'un an chez les juniors, et comme il a 17 ans, il ne peut pas entrer dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il faut avoir 18 ans. Mais à l'époque, depuis 1971, il y a la Ligue de hockey mondiale où se retrouvent certaines des grandes anciennes vedettes de la LNH, comme Gordie Howe ou Bobby Hull, et c'est un homme, le manager des Racers d'Indianapolis, qui se dit « ben moi, je vais aller le chercher, ce jeune-là ». Donc, il l'amène en avion, et sur le retour, Wayne Gretzky, avec son père, signe un contrat avec les Racers d'Indianapolis. Et l'entraîneur des Racers d'Indianapolis, je vous le donne en mille, c'est un certain Jacques Demers ah bon? À l'époque. Donc, le premier vrai entraîneur professionnel de Wayne Gretzky, c'est Jacques Demers. Il va très vite... bon, Indianapolis, ça ne durera pas très longtemps. Très vite, il va se retrouver à Edmonton. Puis là, c'est quoi, 10 ans à peu près qu'il attend. Exactement. Et là, c'est la tornade qui commence, la tornade Gretzky, qui va faire tomber tous les records. Il fait tomber tous les records parce qu'il est échangé par les Racers d'Indianapolis à Edmonton, mais le problème, c'est qu'en 1979, la ligue de hockey dans laquelle il est, bien, elle tombe en ruine parce qu'on n'a plus d'argent. Ouais. Donc là, il va falloir reprendre certains clubs qui vont intégrer la Ligue nationale, dont les Oilers d'Edmonton, ce qui va devenir les Whalers de Hartford et les fameux Nordiques de Québec. Et donc, Wayne Gretzky arrive dans cette Ligue nationale de hockey et tout le monde dit il est trop petit, les joueurs sont plus brutaux. Regardez les Flyers de Philadelphie qui sont des matamores, donc ils vont le détruire. Ouais. Et là, on voit un Wayne Gretzky d'à peine 18 ans, 19 ans, qui, lui, commence à dominer. Et à sa première saison, il accote un des grands joueurs de l'époque, qui est Marcel Dion, qui joue pour les Kings de Los Angeles. C'est important parce qu'on le sait, ça va revenir. Et il n'arrive pas à battre Marcel Dion au titre de meilleur compteur. Il rate le coche de 2 points, mais ce n'est que partie remise, parce que tout le monde voit que ce joueur-là est quelque chose, et on parle même de lui comme étant le prochain Gordie Howe, celui avec qui il a joué dans la Ligue nationale. Et dès sa première saison, il va remporter, vous me corrigerez, mais le trophée Hart pour... Exactement. Le joueur le plus utile à son équipe, c'est quand même pas rien. À l'âge de 19 ans. 19 ans, il remporte le trophée Hart du meilleur joueur de la Ligue nationale. Ouais. 81-82, c'est une saison mémorable, exceptionnelle, historique, diraient certains. Cette année-là, Wayne Gretzky va, entre autres, battre le record de Phil Esposito, devient donc le joueur ayant marqué le plus grand nombre de buts en une saison. On va, à Montréal, souligner cet exploit au Forum de Montréal le 2 mars 1982, quelques jours après qu'il ait battu, mais ça, c'est pas terminé, la saison n'est pas encore terminée, quelques jours après qu'il ait battu le record de Phil Esposito. Nous sommes heureux de recevoir ce soir un jeune athlète qui, sans aucun doute, est un véritable phénomène du hockey moderne. La semaine dernière, il établissait en marquant son 80e but un record de tous les temps dans la Ligue nationale. Permettez-nous d'oublier la rivalité entre clubs pour quelques instants afin de permettre à la direction du club de hockey canadien, des amateurs, au nom des amateurs de hockey de Montréal et de toute la province, pour présenter ce jeune athlète tout à fait unique, un souvenir qui démontre notre admiration pour le record qu'il vient d'établir. Mesdames et messieurs, j'invite au centre, I would like to invite a center ice, Wayne Gretzky. Alors, Wayne Gretzky qui vient de s'approcher au centre de la patinoire, il a battu le record d'Esposito, Gilles, c'était 76 buts, mais il est rendu à 82 depuis ce temps-là. Il a 99 passes, ce qui fait un total de 181 points. Et on peut prévoir que Gretzky va sans doute atteindre les 200 points. Pour les 100 buts, ça peut être un peu plus difficile. To make this very special presentation to Wayne, I would like to invite at center ice le champion compteur de buts de toute l'histoire du club de hockey canadien, the champion goal scorer in all of les Canadiens' history, Maurice Rocket Richard. Eh bien, je pense qu'on a tous les éléments, là. Wayne Gretzky, qui est certainement le joueur de hockey le plus populaire en Amérique. Et ici à Montréal, Maurice Richard, on a souvent dit que c'est lui qui avait bâti le forum. Extrait de la soirée du hockey du 2 mars 1982. Vous êtes peut-être reconnu Richard Garneau qui animait cette émission. Au moment où l'Organisation des Canadiens rend hommage, Laurent Turcot, à Wayne Gretzky, je le disais, mais la saison n'est pas encore terminée. Combien marquera-t-il finalement de buts cette saison-là? 92 buts, 212 points. On se demandait s'il allait atteindre le fameux 100 buts. Il ne l'a pas atteint, mais c'est carrément fou. Ouais. 100 buts. Il va battre éventuellement le fameux record de Maurice Richard de 50 buts en 50 matchs. Il va faire 50 buts en 39 matchs. Incroyable. C'est un joueur plus grand que nature. Puis on le sait, puis c'est quand même hallucinant l'archive que l'on vient d'entendre. Imaginez quand même un peu là, de faire se rencontrer Maurice Richard et Wayne Gretzky. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est quand on fait des recherches sur Wayne Gretzky dans le Canada anglais, on se rend compte qu'à aucun moment ou presque, on ne mentionne Maurice Richard. On le compare à Bobby Orr, à Gordie Howe, mais très peu à Maurice Richard. Alors que dans l'archive qu'on vient d'entendre, on voit très bien que le référent des Canadiens français, ça ne peut être que Maurice Richard. Ouais. Et ça incarne mieux que personne, encore une fois, cette fameuse double solitude du hockey au Canada, du côté anglais et du côté francophone. Et en 81-82, pour revenir sur cette fameuse saison exceptionnelle de Gretzky, alors qu'il est en route vers son fameux record, 92 buts cette saison-là, il va, le 30 décembre 81, dans un seul match, Laurent Turcot, marquer 5 buts. 5 buts contre les fameux Flyers de Philadelphie, ceux dont on disait qu'ils allaient détruire Wayne Gretzky par leur force physique, leur capacité à tout détruire. Ben non, on n'arrive pas à attraper Gretzky et non seulement on se fait compter 5 buts. Et là, on se dit, bon ben OK, ce joueur-là est hors de tout doute le meilleur de tous. Ouais. Tellement qu'on va s'en prémunir, on va se dire, bon ben on va organiser un système spécial contre Gretzky. Quoi qu'on fasse, l'attrape, pas l'attrape, man-to-man, ça ne marche pas. On arrive pas à l'attraper. Autre charnière dans cette carrière, on avance un peu dans le temps, le jour où le propriétaire des Oilers d'Edmonton, Peter Pocklington, annonce le départ de Wayne Gretzky d'Edmonton vers Los Angeles le 9 août 1988. That the Edmonton Oilers have agreed to trade Wayne Gretzky to Los Angeles. Wayne s'est marié en grande pompe avec l'actrice américaine Janet Jones le 16 juillet dernier. Et depuis ce temps, les rumeurs d'échange n'ont pas cessé. I truly understood when Wayne approached me and asked me to be traded. C'est Wayne lui-même qui l'a demandé de dire Pocklington. For the benefit of Wayne Gretzky, my new wife and our expected child in the new year. Janet attend un enfant. C'est ce qui motive Gretzky à vouloir déménager à Los Angeles. At this point in time, I was still young enough and capable. Gretzky se dit encore assez jeune pour relever le défi de remonter la côte des Kings dans un marché comme l'Ouest américain. Le deuxième en importance aux États-Unis. There comes a time when Wayne n'a pas pu terminer. Après un silence qui a duré 3 longues minutes, Gretzky s'est enfin retiré. Extrait d'un reportage de Pierre-Luc Brassard, le 9 août 1988. Comment est accueillie cette nouvelle-là, Laurent Turcot, le jour où on annonce que Gretzky part, quitte Edmonton pour Los Angeles? C'est une catastrophe à Edmonton. Et même au Canada, il y a même un député du NPD dans le Parlement qui va dire on ne doit pas laisser partir Wayne Gretzky. On va accoter les fameux 15 millions que les Kings de Los Angeles sont prêts à payer pour qu'il reste. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. On dit souvent que c'est, un, c'est Wayne Gretzky qui l'a voulu. Ouais. Deux, que c'est le propriétaire qui voulait faire de l'argent. Trois, que c'est sa femme qui a dit tu t'en viens, c'est ici que ça se passe. Parce que remontons un peu le fil des événements. L'été avant le fameux échange, Wayne Gretzky s'est marié à Janet Jones, donc, qui est une actrice de soap, donc de petite série américaine, qui tourne à Los Angeles. Et Wayne Gretzky avait d'ailleurs fait un special guest appearance, comme on dit justement. Donc, on se rend compte que Wayne Gretzky a envie de quelque chose d'autre. Et selon ce qu'on entend dans la conférence de presse, il aurait demandé à Peter Pocklington, donc le directeur général, d'être échangé. Et Peter Pocklington, pourquoi il accepte? Parce qu'il sait qu'il va perdre Gretzky dans les deux prochaines années et qu'il est décliné. inclinant. Donc, il dit « je vais faire de l'argent ouais. ». Et même Wayne Gretzky a dit plus tard, quand il va prendre en charge lui-même une équipe, que sont les Coyotes de Phoenix, il va dire « il a fait un move d'affaires », comme ouais. il le dit lui-même, il a bougé pour faire de l'argent. Et si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Donc, il se dédouane. Mais les fans des Oilers d'Edmonton vont très mal le prendre. On va faire des espèces de poupées de Peter Pinklinton. On va les détruire, on va les brûler. Il va avoir des menaces de mort. C'est carrément le cataclysme. Un peu comme quand les Nordiques de Québec sont partis. Ouais. On en a voulu beaucoup à Marcel Aubut. Et on mesure mal ici au Canada français l'importance que ce cataclysme a eu. C'est comme si on avait échangé Maurice Richard alors qu'il venait de gagner la Coupe Stanley. C'était inconcevable parce qu'on venait de gagner 4 Coupes ouais. Stanley. Les seuls qui avaient pu empêcher les fameux Oilers de gagner une 5e, c'était les Canadiens de Montréal en 86, comme on le sait. Mais on était dans une dynastie parce que Wayne Gretzky, il n'est pas tout seul. Il y a Mark Messier, Yari Curie, Kevin Lowe, Grant Fuhr. Ah oui, c'est une équipe. D'ailleurs, ouais. après le départ de Gretzky, pas la première année, mais l'année suivante, les Oilers vont quand même gagner la ouais. Coupe Stanley avec Mark Messier. Gretzky, qui s'en va à Los Angeles pour y passer à peu près 10 ans, qu'est-ce qu'il va apporter à cette équipe-là? Comment résumer cette période californienne de Gretzky? Alors, on pourrait enchaîner les statistiques. À plusieurs reprises, il va passer le cap des 100 points. Mais là n'est pas la question. Et il le sait très bien parce qu'il s'en va dans une équipe qui est presque dernière du classement, qui n'a pas d'équipe autour de lui, mais il va pour développer un marché. Ouais. Les grandes ligues sportives à l'époque sont dans l'idée qu'il faut aller vers les Sun Belt States, c'est-à-dire le sud des États-Unis, et Los Angeles va être le point, le cataclysme à partir duquel on va être capable d'étendre justement le hockey. Donc, il devient une vedette au même titre que Magic Johnson, par exemple, ou que Michael Jordan. Ils vont d'ailleurs être dans le même dessin animé et il va faire la promotion de plein de produits. Donc, les gens n'entendent qu'un seul mot, Wayne Gretzky, et tout le gratin d'Hollywood vient voir Wayne Gretzky, Michael G. Fox, qui est l'acteur canadien ouais. à l'époque de Back to the Future, puis tous les grands de Hollywood viennent. Donc, on crée une dynamique pour le hockey. Et là, on se dit, mais mon Dieu, voici ce qu'a fait Wayne Gretzky. Il y en a plusieurs qui ont dit, il s'est vendu. Peut-être qu'il s'est vendu, mais il a voulu promouvoir son sport pour que la Ligue nationale... Ça, ça va marcher. Ça va très bien marcher. Il va faire connaître le hockey aux Américains, ceux du Sud en particulier. Là. Exactement. Ouais. Et la séquence suivante, c'est quand justement des marchés vont déménager parce qu'il y a de trop petites concessions comme Winnipeg, comme Québec, comme Hartford. Toutes ces villes-là vont perdre parce qu'on se dit, c'est maintenant le Sud des États-Unis qu'on convoite et là où on veut le développer. Ouais. Un mot sur... la fin de sa carrière. Il va passer très, très après Los Angeles. Très bref passage à Saint-Louis. Puis New York, en fait, où il va terminer sa carrière. Il termine sa carrière à New York, la fameuse Big Apple, où il va retrouver son coéquipier Mark Messier, qui lui-même, parce que quand Mark Messier apprend que Wayne Gretzky part, lui, il est complètement chaviré. Hein. C'est un homme très émotionnel, Mark Messier, et il ne comprendra jamais ce départ. Et quand il le retrouve à New York, c'est un peu comme deux enfants qui se retrouvent. Et là, bon, est-ce qu'il va avoir une grande carrière à New York? Non. Est-ce qu'il va réussir de grandes choses? Non. Mais quand même, ça lui donne une espèce d'aura de joueur plus grand que nature. Et c'est le même endroit, en quelque sorte, où Guy Lafleur a passé également, parce que les Rangers sont une grande équipe, les fameuses 6 équipes qui forment le noyau dur de la LNH. Mais donc, Wayne Gretzky finit en beauté. Ouais. Après le hockey, qu'est-ce qui se passe pour lui? Bien, ce qui se passe, c'est qu'il va, entre autres, devenir copropriétaire des Coyotes de Phoenix. Mais on se souvient surtout de lui pour avoir formé l'équipe en 2002 à Salt Lake City, avec comme cœur Mario Lemieux. Et là, on revient à ce qu'on ouais. disait tout à l'heure. Et chez les Américains, les Canadiens vont gagner la médaille d'or. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. En 98 à Nagano, alors que Wayne Gretzky était joueur, on avait été humilié, même pas sur le podium. Donc, Wayne Gretzky, en étant directeur général, en choisissant les joueurs qui vont être dans l'équipe, se reprend, bien que malheureusement, il n'ait jamais eu sa médaille d'or parce que ce ne sont que les joueurs qui gagnent des médailles. Mais quand même, on lui doit une partie de cette médaille aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. Laurent, c'était fascinant. Merci beaucoup. Merci. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci également à Marie Caillé à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Mario Bolduc, recherche d'archives Sophie Gibson, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.